Chapitre 57. Des cloches et du vent dans les palmiers. Le soir accablé vient si lentement que la nuit le gagne déjà. La nuit tombe sur la lumière rouge du soleil couchant comme un rideau de théâtre. Le brasier du jour s'éteint. Enfin nous nous levons. Là d'être resté tant d'heures couché dans l'air brûlant et humide de la moustiquaire. Les palmiers géants balancent leurs panaches à des hauteurs de vertige. Les vautours, par bandes, s'engouffrent sous les feuilles. Un peu de lumière flotte encore entre les troncs droits et lisses des palmiers qui montent dans la nuit comme des piliers de cathédrale. Des cloches et des voix de femmes, très loin. Comme les soirs d'été, quand l'Angélus sonne le retour des moissonneurs. Nous partons dans le chemin bordé de bambous qui craquent. Puis le canal caché par les nénuphars. Et une forêt de pois sucrés, aux grappes de fleurs dont l'odeur angoissante de tubéreuses soulève le cœur. Puis la nuit, et des cases de noir, des cases menues, branlantes, basses et sales, où les pauvres gens n'entrent que pour dormir. La marmaille nue joue en piaillant sur le chemin. Une vieille négresse aux jambes énormes nous salue au passage. Le chemin se perd dans les bambous qui l'envahissent et qui, maintenant, en se frottant, craque tes cris à nous étourdir. Chapitre 58. Sous les palétuviers, les cailles m'endorment. Entassées en pyramide, par centaines, ils forment un tas monstrueux dont l'équilibre chancelle. Voici de nouveau le soir humide. Des loutres s'ébattent dans la rivière. Sur la véranda en pilotis qui domine le camp, nous attendons la nuit. Le vent mouillé nous apporte les relents du marais. Pourquoi parlerions-nous ? L'anémie et la fièvre nous accablent. L'ennui, mal suprême, nous torture. Un vol d'aigrettes empanachées vient se percher sur les bambous. Le désert empesté du marécage n'a d'autre vie que les reptiles silencieux. En bas, les cages où dorment les forçats sont perdues dans la brume. Que faire ? Le silence et la solitude, et la nostalgie, douleur lente, qui nous serre le front. Un Indien est apparu soudain sur la véranda, sans qu'aucun bruit ait fait pressentir sa présence. Maître, nous partirons cette nuit. L'Indien, immobile, explique que la pirogue est amarrée sur l'autre rive et qu'il a droit à son laissez-passer de nuit, puisqu'il n'a pas touché le terrain pénitentiaire. Le vieux garde-chiour me questionne. « As-tu de l'or ?»« Non. »« Des vivres ?»« Pour 3 jours. De quoi atteindre Saint-Laurent du Maroni en naviguant nuit et jour ?»« Des passagers ?»« Une femme. » L'Indien a déjà disparu, anéanti par la nuit. Un forçat, dont la casaque est faite d'un vieux sac de farine, entre portant des photophores. Quels hommes, quelle attitude orgueilleuse! Ces Indiens nous méprisent comme ils nous haïssent. Le vieux garde-chiour me connaît toutes les tribus d'Indiens de la forêt, les Indiens Caraïbes, les Indiens Galibis, les Indiens longues oreilles. Des moustiques sifflent autour des lampes. Des papillons géants s'abattent sur les verres et tombent aveuglés. Ils ont des ailes bleues, des ailes opales, des ailes rouges et violettes et blanches et mordorées. Une femme. Le vieux garde-chiourme hésite, puis, passant à l'épaule son fusil de chasse, il descend. Quelle histoire ! Les Indiens ne mentent jamais. Je rapporterai peut-être une aigrette ou un héron. Soudain, sortant du tapis de brume étalé sur l'horizon, la voix d'un violoncelle monte lointaine, pleine de larmes. La sonate pathétique de Beethoven. Une voix humaine qui tremble. Puis, le silence. Un papillon aux ailes dorées frappe la lampe, tournoie et disparaît. Derrière le mur d'ombre humide, la voix du violoncelle a repris sa phrase douloureuse. La forêt s'émeut. Des lambeaux de vent se détachent du ciel. L'air troublé s'agite et tremble. La voix grave s'élève et s'étend comme un appel. C'est un appel. Une autre voix répond que je n'entends pas et que nul ne perçoit. On ne peut plus chasser, dit le vieux garde-chiourme en raccrochant son fusil. Ces oiseaux flairent l'homme d'aussi loin que les Indiens. La pirogue était déjà partie. Croyez-vous à cette histoire? Une femme seule, dans un canot de Pont-Rouge? Chapitre 59. La vie sauvage de la forêt. Des cases de mineurs au bord de la crique, des sluices haut perchés sur pilotis, des chantiers sommaires de chercheurs d'or. Les noirs se partagent, le soir venu, la récolte d'or. Ils dansent et chantent tard dans la nuit, quand la cueillette est abondante. Parfois, une brève querelle, quelques lames de couteau ou un coup de feu. La vie d'un homme est sans valeur dans la brousse. Les bêtes familières viennent le soir rôder autour de nous. Lily connaît toutes les bêtes de la forêt, le maïpouri, traînard, monstrueux et paisible comme un bœuf. Le cariacou, gracieux comme un chevreuil. Les pécaris qui passent en troupeau comme des sangliers turbulents. La goutille apprivoisée, peureux comme un lièvre. La gouchille qui est son frère, stupide et domestique comme le lapin. Les tatous à carapace grise, semblables à des tortues et qui promènent une odeur de musc. Les couachis au long museau, la queue empanachée, qui grimpe sur les arbres à la façon des écureuils. Et toute la bande des singes de nuit, tous les singes de Kipling qui farandolent autour de nous et qui sont doux, grimaçants et curieux. Lily connaît tous les oiseaux de la forêt. Au bord de l'eau, les flamants, les ibis rouges, les ibis noirs et les aigrettes fuient à notre approche. Lily seule sait les conduire au seuil de son carbet. Lily connaît le langage des aras. Les perroquets rouges et bleus, verts et noirs, parlent des langues différentes que Lily entend et répète. Et Lily connaît les lézards Les iguanes amphibies qui vivent au bord de la rivière grimpent sur les arbres et se laissent tomber à l'eau au moindre bruit. La faune de la jungle répond à l'appel de Lily. Pour appeler la goutie, le hoco et les singes, Lily siffle en plaçant sur ses lèvres une large feuille tendre, pliée à sa façon. Parfois, à l'appel de Lily, un jaguar, un puma ou un aigle accourt, croyant avoir affaire à une proie. Alors, Lily, affolée, pousse des hurlements et s'abrite sous sa moustiquaire. Lily a horreur de la chasse et du sang. Lorsque notre créole cuisinier vient lui demander « Qui ça a mouché ? Où les manger aujourd'hui là ?» Lily va cacher son fusil et déclare qu'on ne tuera pas de gibier. Ainsi s'écoulent les heures de la brousse. Rien de ce qui touche à la vie des hommes blancs ne saurait nous intéresser. Nous vivons, parmi des bêtes et des arbres familiers, la vie végétative des hommes d'autrefois. Chapitre 60. Massou, nègre géant, garde les pirogues et nous raconte des histoires de son pays. C'est un forçat. Il est venu du Sénégal sur un convoi de transportés. Sa vie est confortable et tranquille. Il a oublié sa tribu d'Afrique. Il connaît maintenant la jungle de la Guyane comme il connaissait la brousse du Sénégal. Les souvenirs de son passé sont assez confus. Un jour, il a été pris par des chasseurs d'hommes et conduit à Saint-Louis. Les juges blancs ont décidé qu'il serait condamné aux travaux forcés à perpétuité. J'essaie, en vain, de lui exposer qu'il s'agit là d'un châtiment. Le sens de la justice lui échappe. Il devient menaçant et réplique avec violence. Il est au bagne parce que le destin et les blancs du Sénégal en ont décédé ainsi. C'est un sort heureux. La forêt est giboyeuse. La nourriture est abondante. Il est gardien et quelle probité dans l'exécution de sa tâche. Si un forçat égaré approche des pirogues dont il a la garde, il le tue. Massou est mon ami, parce que ma cantine contient du tafia. « Cette femme blanche, dit-il, qu'importe ? » ?»« Elle est passée avec les Indiens. Les Indiens sont des chiens. Ils volent le poisson fumé. » Soudain, Massou a mis ses doigts écartés sur sa bouche. Ses yeux fixent quelques remous de la rivière. En rampant, il s'est glissé au bord de l'eau. Et le voilà qui jette à un banc de poissons qui passe une nourriture mystérieuse. Ce sont des lianes enivrantes, les lianes au parfum subtil qui grise le poisson. En un instant, des ventres blancs de poissons apparaissent à fleur d'eau. Massou s'engage à mi-corps dans la rivière et pêche d'étranges poissons aux yeux énormes dont la tête est plus grosse que le corps. Puis Massou chante, insolent et tranquille, indifférent à mes questions, absorbé désormais par le seul souci de la nourriture qu'il grille à même sur la braise. Chapitre 61. Les Saramakas ont campé sur l'autre rive du fleuve. La notion du temps leur échappe. J'essaie en vain de les décider au départ. Ils chassent. Les surveillants militaires ont donné à Lily une case qui emplit son cœur d'orgueil. Des tentures d'indienne, un lit, des fauteuils d'osier. Lily restera au pénitencier jusqu'à mon retour. Quelle fête de rester là de longs mois, oisive, et quelle joie dans ses adieux. Lily ingrate, enfant agile, ne m'abandonne pas au vieux garde-chiourme, chasseur d'hommes qui fait la chasse à l'inconnu. Lily, indienne aux yeux en amande, le cœur du vieux garde-chiourme s'est troublé. Comme le bateau, comme la mer, comme le silence, comme le chef Saramaka, le vieux garde-chiourme est désemparé parce qu'elle est passée. Tu ne sais pas que la forêt s'agite, tremble et pleure parce que la femme au secret est passée. J'ai trouvé un matin sur ma table des orchidées éparses. Maintenant, le silence est plus profond, la brousse plus obscure. La nostalgie, douleur aiguë, passe ainsi qu'une migraine. Je broie entre mes mains les orchidées grasses et sans parfum. Derrière la brume qui cache la rive opposée, on entend les chants très lents et monotones des saramakas répétant de vieilles mélopées d'Afrique transmises par la tradition. Chapitre 62. Il faut donner la chasse à ces Indiens, a dit le vieux garde-chiourme. Nous traversons un champ de cannes à sucre où des forçats nus grattent le sol. Les champs de cannes à sucre étalent de longues pelouses qui descendent vers le fleuve. Ça et là, un cocotier jaillit, le panache accroché dans la brume du matin. Les lianes qui bordent la route sont comme les chevelures des arbres de la brousse. Elles descendent en éventail du ciel qui repose sur la voûte immense de la forêt. Elles baignent dans l'eau et s'y continuent, reflétées à des profondeurs inouïes. La chaloupe à vapeur glisse rapide entre ces murailles de verdure, sur quoi des orchidées font des taches mauves. À l'avant de la chaloupe, un forçat nu se tient debout. Il annonce les obstacles de la route. Troncs d'arbres flottants, bancs de roches, lentes pirogues luttant contre le courant. Devant le brasier de la chaudière, un gardien surveille les chauffeurs et obéit aux ordres du pilote qui règle la vitesse. Stoppez ! Le vieux garde-chiourme a déposé ses jumelles et pris le gouvernail. Nous piquons droit vers la berge. Ils sont là, à une portée de fusil. La chasse à l'homme va commencer. C'est une rude partie, dit le vieux garde-chiourme. La chaloupe amarrée à la berge, les forçats détachent la pirogue que les remous de l'hélice sont à moitié remplis d'eau. La pirogue est maintenant camouflée. Avec son épaisse bâche grise et ses rameurs accouplés, tirant sur les pagaies, coiffée de chapeaux de mineurs, elle ressemble à une barque de placérien. La pirogue glisse silencieuse sous les palétuviers et gagne de vitesse les Indiens. Le soleil emplit la trouée de la rivière de souffles ardents qui courent sur l'eau comme les flammes d'un brasier. La forêt voisine respire à longs traits, bruyante d'une vie obscure. Chapitre 63. Les forçats pagaient le plus près possible de la rive pour éviter la force du courant. Ils pagaient à la façon des Indiens, sans arrondir les coudes, avec une forte poussée des épaules après chaque coup de pagaie. Le vieux garde-chiourme, assis à l'arrière, les jambes écartées, le torse cambré, gouverne la barque. Des senteurs tièdes viennent de la forêt. Chaque coup de pagaie résonne dans l'air calme. De temps en temps, le vieux garde-chiour m'abandonne le gouvernail. Il écoute, nerveux, les narines palpitantes, comme un être sauvage qui flaire le danger. Le battement des pagaies a donné l'alarme aux Indiens. Il faut les gagner de vitesse, il faut aussi se méfier de leurs ruses. Soudain, au tournant du fleuve, un sourd et long mugissement annonce les rapides voisins. L'eau devient basse et les hommes ont laissé les pagaies pour prendre les takaris, longues perches de bois souples, robustes et flexibles comme des bois d'arbalète. La pirogue avance sous les cascades du rapide. D'un seul effort, la pirogue s'élance, se dresse et franchit le barrage. Au-dessus du rapide, le fleuve s'élargit comme un lac. Les forçats secouent l'eau qui dégoutte des takaris. Ils les couchent le long de la pirogue et le bruit monotone des pagaies recommence. Plus loin, à l'approche d'un nouveau rapide, les hommes se jettent à l'eau et tirent la pirogue à la cordelle. S'accrochant au rocher, s'aidant des pieds et des mains, ils tirent la corde enroulée aux épaules. La pointe d'une pirogue descendant le courant apparaît sur la ligne du rapide. Elle pique sur la cascade, disparaît dans le remous d'écume de la cuvette et fuit comme une flèche. « Les Indiens !» crie le vieux garde-chiourme. On n'aperçoit plus, au tournant du fleuve, que des silhouettes encapuchonnées. Mais une autre pirogue apparaît à son tour, tombe avec un bruit sec dans le remous et file à toute allure. À intervalles réguliers, de nouvelles pirogues descendent le rapide. C'est un convoi d'Indiens venus déplacer. À midi, les hommes épuisés amarrent la pirogue sur une pointe de rocher. Leurs corps trempés fument. Le vieux garde-chiourme scrute les ombres mouvantes de la berge. Parmi les piétinements mystérieux, les cris aigus et lointains, faibles et rapprochés, les sifflements, les soupirs et les craquements de la forêt et de la rivière, il discerne les bruits familiers et cherche à reconnaître les traces du passage des hommes. Un forçat a relevé sur un rocher l'empreinte d'un pied humide. « Les Indiens, tirant à la cordelle, dit le vieux garde-chiourme, sont passés ici il y a moins d'une heure. Le soleil n'a pas encore séché la trace. Il faut repartir. » Des brouillards en spirale glissent le long de la berge. Des arbres morts flottent. Le vieux garde-chiourme se sent mal à l'aise sans pouvoir définir son trouble. Dans le silence de la solitude, il perçoit une mystérieuse influence qui ne vient ni de son cerveau, ni de ses sens. 20 ans de brousse lui ont donné la merveilleuse adaptation à la forêt qui est le 6e sens des Indiens et des oiseaux migrateurs. Écoutant avec intensité, il surveille l'horizon. Quelque chose est là, qu'il ne peut percevoir et dont il attend le témoignage. Jusqu'à la nuit, les hommes restent allongés sur le sol. Après avoir mangé, ils fument, puis, ayant recouvert le feu de bois vert pour que la fumée chasse les moustiques, ils se roulent dans des couvertures et dorment. Chapitre 64. Assis en cercle autour du feu, à la façon des Indiens, les forçats de l'escorte fument en silence. La nuit est lourde et chaude. Des ombres errent dans la pénombre. Les bêtes de la jungle, attirées par le feu, fixent sur le foyer des yeux phosphorescents. la brise du fleuve bruit sous les ramures comme une foule qui passe. La forêt, peuplée de forces mystérieuses, révèle la présence inconnue. Des singes, assis dans les branches, regardent le feu. Leurs yeux clignotent à la lueur de la flamme. « Nous les avons devancés, » dit le vieux garde-chiourme. « Les Indiens sont à quelques pointes en aval. Ils ont caché leurs pirogues à l'entrée d'une crique. » Les hommes repus parlent et rient à voix basse. Autour des cendres et des braises, les singes sont descendus et rôdent, peureux. Il faudra veiller à tour de rôle. Ces Indiens se savent poursuivis. Nous aurons leur visite cette nuit. Nous n'en saurons rien. La trace des Indiens est comme une trace écrite sur l'eau. De temps en temps, le vieux garde-chiourme présente à la flamme ses mains noueuses. Sous son chapeau à large bord, ses tranquilles yeux gris regardent, sans cligner, la lueur du feu. La lune sort tout à coup à travers les branches entrelacées qui lui font un rideau de dentelle. Elle monte sur la rivière assez vite pour que les yeux puissent suivre son ascension. La silhouette d'un singe noir se dessine sur elle. Dans l'hallucination du sommeil qui me gagne, je ne vois plus que le vieil homme des bois, assis en face de moi, calme, immobile comme une statue de la patience. Chapitre 65. Nous partons maintenant à la file, sous la brousse. Les hommes portent sur la tête les pagaras chargés de vivres. Nous suivons la berge du fleuve pour rejoindre le cirque où campent les Indiens. Fermant la marche, le vieux garde-chiourme surveille les traces de la piste. Il interroge les branches cassées et les entailles marquées au tronc des arbres. Vers midi, nous campons au bord de la crique. Nous sommes à 2 heures de l'embouchure. Le vent nous est favorable. Si les Indiens n'ont pas dépisté ce détour, nous les prendrons à revers sur le fleuve. La forêt, cathédrale de la solitude, est pleine des bruits d'une foule invisible. Nous marchons sur un sol élastique. La vie intense, qui s'agite sous la haute ramure, ne trouble pas le recueillement religieux du temple. Départ monotone du matin, dans la buée froide qui monte du sol. Campement la nuit, sous les abris de palmes et de lianes. Les jours se suivent monotones. Parfois, pour ne pas perdre la trace humide que la pluie menace de noyer, nous marchons sans arrêt du lever du jour à la nuit. Les Indiens fuient devant nous. Soudain, à travers les ombres du crépuscule, le vieux garde-chiourme aperçut une ombre mouvante. Ce n'est point l'ombre d'une bête familière de la forêt. Sur un geste du chef, la colonne s'est jetée sur le sol. Le vieux garde-chiourme reste seul debout et disparaît dans la nuit naissante. Quelques instants après, la terre nous transmet des bruits de pas. Les branches mortes craquent. Des formes humaines apparaissent. Le vieux garde-chiourme est là, près de nous, tenant par la main le prisonnier qu'il ramène. C'est Lily, l'Indienne. Chapitre 66. Pourquoi es-tu venu? D'où viens-tu? Comment feras-tu la longue route? Qu'est-ce que nous ferons de toi à présent? Le vieux garde-chiour me tient la jeune indienne par les poignets. « Pourquoi nous as-tu suivis ?» L'indienne reste debout, la tête basse, patiente, les yeux brillants, attendant sans réponse la fin de la colère du vieil homme des bois. Une femme, même une sauvage, accoutumée à la jungle, est un obstacle à une marche rapide. Elle ne pourrait pas voyager aussi vite que les hommes, ni aussi loin, ni porter les mêmes charges, ni endurer les mêmes privations. Il faut la renvoyer. Nous ne pouvons cependant pas l'emmener avec nous. Elle n'est utile à rien. Où sont les Indiens? D'où viens-tu? Étais-tu avec eux? Nous as-tu suivis sur le fleuve? Lily ne répond pas, indifférente et têtue. Cependant, les hommes roulés dans leur couverture se sont endormis sur le sol. La lune peuple la forêt de longues ombres. Lily s'est endormie sur le lit de feuilles de Vara qu'elle a dressé elle-même. Depuis son arrivée, elle ne m'a point parlé. Ses yeux ne se sont point encore relevés vers moi.